British Connection, l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. C'est Noël dans British Connection, alors écoutons maintenant Super Sports avec Nada, extrait de la compilation L'Appel de Paris. Christmas! La nouvelle compilation cassette de Fraggle Product est enfin disponible. Son titre, L'Appel de Paris, avec 20 groupes de la scène punk parisienne. 1, 2, 3, 4 ! Comme par exemple Acid Gras, Circle Dudes, Spiruline, Super Sports, Sex Shop Mushroom. Fuck yeah ! Pour se la procurer, rien de plus simple. Il suffit d'aller sur le Facebook ou le Bandcamp de Fraggle Product. British Connection? Just rock, just rock. It was 1954, but yeah, don't you could have wished for. Or at least she thought so. The world around surely seemed to know. A pretty face and money. She was so tired of society. She couldn't help to think that she wasn't free. She had a house and tax to pay. She had a perfect life that she knew for certain. But he wanted to go away. She knew she could, just knew she couldn't. But in full of fashion, cause that's what you do when you need a job. And Nintendo is what makes people like you. But she was wasting her time. Body wasn't free. Body from identity. She wanted fun and freedom, but it was easier said than done. She wanted to play drums, to shave the head and learn to dance, but she knew she did not have a chance. Bonnie wanted something, needed to leave, needed to feel. She restrained her feelings, would make your food taste much better. It was on every commercial. She needed everything that was fashionable. She plucked it and felt the shock. She felt the cold and saw the lights. And just like that, Pauline lost life. She was so fed up with the life she made. That life itself now wanted her dead. Never seen someone leave so quick. Such a stupid way was a must for me. Life had faded so fast to black. Her days were shorter than her heart was like. But she wasn't done cause Pauline came back. We make up for lost time. Pauline, Pauline, Pauline, ce sont des Pauline, Pauline, boucher. Les pâtes à la sauce tomate dans la connexion britannique. Passez de bonnes fêtes en mangeant des pâtes à la sauce tomate. Trois heures du matin, nappe investissant. Que vais-je bien bouffer après l'apéro des tranches de saucisson? Une biscotte racine, ça va jamais me caler. Quant à l'heure c'est riche, à mes yeux oui. Un paquet Panzani prêt à sacrifier. Il s'avance vers moi, il veut m'attraper. Veut-il me manger? Putain il fait flipper. Des bananes à la sauce tomate. Des bananes à la sauce tomate. Des bananes sauce tomate, des bananes sauce tomate, des bananes sauce tomate, des bananes sauce tomate, des bananes sauce tomate, des bananes sauce tomate, des bananes sauce tomate, des bananes sauce tomate, des bananes sauce tomate, des bananes sauce tomate, des bananes sauce tomate, des bananes sauce tomate, des bananes sauce tomate, des bananes sauce tomate. We'll be right back. pâtes au ketchup. Non. Des pâtes au beurre. Des pâtes au fromage. Non. Des pâtes au jambon. Et à la ficelle. Des pâtes à la viande. Non. Des pâtes au thon. Non. Des pâtes au basilic. Non. Des pâtes aux champignons. Non, non, non, non. British Connection, l'émission qui te fracasse la tête. We'll be right back. C'est toujours 30 minutes sans interruption de l'appel de Paris, la compile de Fraggle Product dans British Connection. Bouge ta tête dans le pénilu. British Connection, l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Salut. C'est Marteau Piquette sur British Connection. Ouais, British Connection, on vous souhaite un très joyeux Noël. Et une bonne année. Et de bonnes fêtes. Et on écoute tout de suite Champignon. Sur British Connection. Bisous à tous. Paris qu'on voit de tout là-haut, tout c'est le champignon. Paris qu'on voit British Connection, you rock! Can you please hear the distress call?